Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours dans les événements marquants de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم avant la révélation. Et nous avions cité à cet effet des événements liés plus ou moins directement à la prophétie, à savoir l'ouverture de la poitrine, le nuage qui venait ombrager le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui présumait de son caractère spécial. Comme nous avions cité aussi des événements beaucoup plus habituels, sa naissance, son enfance, son mariage, le commerce qu'il effectua pour le compte de Khadija, etc. Nous allons évoquer aujourd'hui, inshallah tabaraka wa ta'ala, un événement qui se déroula alors que le prophète avait 35 ans sallallahu alayhi wa sallam. C'est la reconstruction de la Kaaba. Un violent torrent vint fissurer les murs de la Kaaba qui étaient déjà très endommagés par un incendie auparavant. Comme je l'ai souligné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cet événement de la reconstruction de la Kaaba, avait 35 ans. Les Quraïchites décidèrent dans un premier temps de rebâtir la Kaaba en la détruisant complètement et en la reconstruisant sur des bases solides. Mais ils prirent peur d'un châtiment d'Allah en faisant cela. C'est Al-Walid ibn al-Mughira, des Bani Makhzoum, qui les conforta dans leur décision et leur rappela qu'Allah ne châtie pas les bienfaiteurs, à savoir que la destruction de la Kaaba n'a pour objectif que de la reconstruire sur des assises plus solides, et cela reste louable auprès d'Allah, Jalla wa Ala. Ils furent convaincus par cette parole et commencèrent donc la destruction de cette Kaaba pierre par pierre jusqu'à ce qu'ils atteignirent les fondations d'Ibrahim alayhi salam. Puis ils commencèrent sa reconstruction pierre par pierre. Cette initiative était méritoire pour les Quraysh, et pour preuve, les dignitaires, les chefs parmi eux, portaient les pierres sur leurs épaules. En aucun cas ils ne voulaient déléguer ce travail à des esclaves. La tâche était bien trop noble auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il ne puisse déléguer cela à des tierces personnes. Arrivés à la pierre noire, ils se disputaient à savoir qui allait poser et qui allait avoir l'honneur de poser cette pierre noire. Et le conflit perdura 5 jours durant, jusqu'à ce qu'une guerre faillit éclater. C'est Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi, plus âgé des Quraysh à cette époque, qui leur proposa l'arbitrage du premier venu du côté de la porte des Bani Shaiba. La porte des Bani Shaiba, à l'époque du prophète, as-salam, et dans les années qui suivirent, c'était la porte qui faisait face à la Kaaba. C'est-à-dire que lorsqu'on voulait rentrer dans l'enceinte sacrée, en faisant face à la Kaaba et par là même au maqam d'Ibrahim, on rentrait par la porte des Bani Shaiba. Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi a dit: la première personne qui rentrera par cette porte sera notre arbitre. Tous acceptèrent cette proposition. Allah, Jalla Jalalu, voulut que ce fût Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui arriva par cette porte dans l'enceinte de la mosquée sacrée, comme un signe du destin. Lorsqu'ils le virent, ils s'écrièrent « Hada al-Amin radinahu hada Muhammad » « Voilà l'intègre, nous l'acceptons, voilà Muhammad » Ils acceptèrent que l'arbitre fût Muhammad alayhi salat wa salam en regard de ses qualités. D'ailleurs, ils l'ont appelé Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance, l'intègre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit alors une cape et y posa la pierre noire en son sein. Il demanda au chef de chaque tribu de prendre un des pans de cette cape, de la soulever et de se diriger vers l'endroit où la pierre noire devait être placée. Et ce fut Mohammed alayhi salam qui eut l'honneur de la poser dans son emplacement. Et ce fut Mohammed qui eut l'honneur de la poser dans son emplacement. Ainsi, le conflit prit fin et tout le monde fut satisfait de cette décision. Cet événement révèle la place qu'occupait Mohammed a.s. chez Quraysh avant la révélation. Cet événement est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad et Al-Hakim dans Al-Mustadrak d'après Abdullah ibn Sa'ib Al-Makhzoumi qui était présent à cette époque et qui a participé lui-même à la reconstruction de cette Kaaba. Bien sûr, il se reconvertira à l'islam plus tard et nous rapportera cette narration. Cette narration comporte des irrégularités ou des faiblesses dans sa chaîne de transmission, mais cette dernière est renforcée par d'autres chaînes de narration qui la rend au final bonne et acceptable, comme l'a jugé Cheikh Al-Albani dans Sahih As-Sira Nabawiyya. Cet événement de la reconstruction de la Kaaba se produisit 5 ans avant la révélation, par laquelle nous entamerons le deuxième volet de la biographie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, dans sa grande sagesse, voulut préparer son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à recevoir la révélation. Nous avions déjà évoqué en ce sens l'ouverture de sa poitrine, qui avait pour objectif de purifier le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de le conditionner à recevoir des messages importants. À titre de rappel, l'ouverture de la poitrine du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, survint à 3 moments différents espacés dans le temps. Le premier, où la première ouverture eut lieu alors que le messager n'avait que 4 ans, alors qu'il jouait avec des enfants des Bani Sa'd. Celle-ci était pour retirer la part de Shaitan qu'il y avait en lui. La deuxième ouverture eut lieu peu avant la prophétie, afin que le messager sallallahu alayhi wa sallam accomplisse sa mission dans les meilleures conditions et qu'il reçoive la révélation avec force, certitude et fermeté. La troisième eut lieu à la Mecque, peu avant l'événement de l'Isra ou al-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne vers la demeure sacrée de l'Quds et l'ascension au ciel. Et ceci afin que le messager sallallahu alayhi wa sallam soit prédisposé à voir et accueillir les différentes choses qu'il verra dans les cieux et qu'il soit prêt à s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Hajar souligne que les 3 ouvertures, qui sont somme toute 3 purifications, sont à l'image de la purification du croyant lorsqu'il fait ses ablutions, il lave les membres 3 fois. D'autres événements vont venir se greffer à cela, qui viendront conditionner le messager sallallahu alayhi wa sallam et le préparer à recevoir ce qui sera un des événements les plus importants qu'ait connu l'humanité, l'ultime message d'Allah pour les hommes, la révélation du Coran. Ces événements, qui vont avoir lieu peu avant la prophétie, sont des prémices et des signes annonciateurs de son imminente mission prophétique. Le messager, ainsi, sera témoin d'événements et de faits extraordinaires sortant de la norme. Et nous allons en citer quelques-uns, sans pour autant être exhaustif. Parmi les signes annonciateurs et précurseurs de la révélation, premièrement, il y avait les pierres qui le saluaient lorsqu'il passait près d'elles. L'imam Muslim rapporte, d'après Jabir ibn Samura, le hadith suivant. عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن إني لأعرفه الآن d'après Jabir ibn Samura رضي الله عنه le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit je connais certes une pierre à la Mecque qui m'adressait le salam, le salut et ceci avant la prophétie. Je la connais à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire qu'il connaît exactement l'endroit où elle est, les spécificités, et il serait capable, très facilement, de pouvoir indiquer l'endroit où elle se trouve. Ce hadith se retrouve dans le Sahih de l'imam Muslim sous le numéro 2277. Il y a une autre narration rapportée par l'imam al-Tirmidhi qui stipule que les arbres et les montagnes lui adressaient le salam. Cependant, cette narration est faible et a notamment été rendue faible par Sheikh al-Albani. Je vais quand même la citer, mais il faut que vous sachiez que il y a dans la chaîne de transmission un homme qui est majhoul, c'est-à-dire qui est inconnu, ce qui rend la narration faible. D'après Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui a dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où je me trouvais en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, lorsque nous passâmes à plusieurs endroits. Il n'y avait pas une montagne ou un arbre sans qu'il ne dise, paix sur toi, ô messager d'Allah. عن علي بن ابن ابي طالب قال كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام بمكه فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. Ce hadith, cette forme-là, est faible. Deuxième événement, précurseur et annonciateur de la prophétie ou de l'éminente prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation. Le messager commencer par voir des rêves qui se réalisaient tels qu'il les avait vus. Des rêves aussi clairs et limpides que la lumière de l'aurore. Comme rapporté par l'imam al-Bukhari. An Aisha radiallahu anha, umm al-mu'minin, annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-wahdi ru'ya salihatu fi an-nawm. Fakana la yara ru'ya إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء إلى آخر الحديث. C'est le hadith numéro 3 du Sahih de l'imam al-Bukhari. D'après Aïcha, la mère des croyants, elle a dit « Les prémices de la révélation pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam furent les rêves véridiques durant son sommeil. Il ne voyait pas une chose sans qu'elle ne soit aussi claire et limpide que la clarté de l'aurore. » Ces rêves ont été qualifiés de véridiques, car ils se réalisaient exactement comme le prophète les avait vus, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le rêve véridique est une partie de la révélation, comme l'a signalé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Anas ibn Malik, « Annahu qal, anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, qal, agru'ya al-hasanatu min al-rajul al-salihi, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min al-nubuwa. » D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le bon rêve de l'homme vertueux représente un 46e de la prophétie. » C'est-à-dire qu'après la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, il ne restera que « al-mubashirat » ou « al-mubasharat » c'est-à-dire les bonnes annonces faites par les rêves. Le rêve d'une personne vertueuse qui pourra annoncer telle ou telle chose. Ce hadith, vous pouvez le retrouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 6980. De même, l'imam al-Bukhari, dans le hadith qui suit, le hadith 6984, rapporte aussi une narration de Abi Salama. Annahu qal, sami'tu Aba Qatada, anin Nabi alayhi salatu wa salam qal, al-ru'ya sadiqatu min Allah, wal-hulmu min al-shaytan. Aba Salama rapporte de Abi Qatada que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le rêve véridique provient d'Allah, alors que le cauchemar provient de Shaitan, de Satan. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de recevoir la révélation, on va dire de manière officielle, voyait de plus en plus de rêves véridiques qui se réalisaient en état d'éveil. Ces rêves étaient tellement clairs et limpides qu'ils étaient déclarés de véridiques. Sadiqa. Troisième chose qui annonce la prophétie imminente du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est qu'Allah lui a fait aimer la solitude et la dévotion en prière et en recueillement. Il avait l'habitude sallallahu alayhi wa sallam à cette période de s'isoler dans la grotte d'Al-Hira à Mecca. Cette grotte avait la particularité de dominer la Mecque et d'offrir une vue imprenable sur le sanctuaire sacré et sur la Kaaba, malgré le fait que pour y parvenir il fallait grimper le flanc de la montagne pendant une demi-heure, ce qui nécessitait un effort. Le messager sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'y rester un nombre de jours et de nuits conséquents, et il ne redescendait de cette grotte que pour se réapprovisionner. Ibn Abi Jumra a dit, la sagesse dans le fait que le messager ait choisi cet endroit en particulier pour s'y retrouver seul et qu'il est possible à celui qui s'y tient de réunir trois adorations distinctes. La première, l'isolement, al-khulwa. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque du prophète, ou à cette époque-là en particulier, les gens étaient plongés dans l'idolâtrie. Il fallait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse trouver un endroit où s'isoler et être loin de ses pratiques païennes et idolâtres. L'isolement. Deuxièmement, la dévotion en adoration. Le prophète profitait de ce moment de solitude pour adorer Allah à sa manière. Troisièmement, et troisième adoration, c'est de voir et de contempler la Kaaba, qui est la demeure d'Allah construite pour les hommes. Quatrièmement, à l'approche de la prophétie, les informations de la venue imminente d'un prophète se multiplient. D'une part chez les gens du livre, de ce qu'ils détenaient comme information dans les écritures, ça sera d'ailleurs le sujet de notre prochain cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, les prophéties de Mohammed dans les écritures, et d'autre part, chez les devins et sorciers qui étaient informés par les djinns qui essayaient tant bien que mal de soustraire quelques informations du ciel sur cette venue. Voilà quatre choses qui, à cette période de l'histoire, annonçaient la venue imminente de la révélation. Ce sont les signes précurseurs à la révélation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait alors entre 38 ans et 39 ans. Les preuves de sa prophétie avant la révélation peuvent donc se diviser en deux grandes catégories. Premièrement, des signes physiques palpables, tels que la lumière qui sortit de Amina lorsqu'elle enfanta le messager, l'ouverture de la poitrine, la bénédiction survenue chez Halima, tout le temps que le messager était élevé, le nuage qui couvrait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se trouvait chez le moine Bahira, le salut des pierres à son passage devant elle, etc. Deuxièmement, des signes de nature conceptuelle, c'est-à-dire se rapportant à son rejet du polythéisme et de l'idolâtrie, son respect des prescriptions laissées par Ibrahim et Ismaïl, alayhi wa sallam, son comportement, sa moralité, son détachement de l'amour de ce bas monde, son éloignement du mensonge, de la consommation d'alcool, des turpitudes, etc. Son peuple lui reconnaissait toutes ses qualités morales, car ils l'ont vu grandir ainsi et l'ont côtoyé ainsi. D'ailleurs, Allah nous rappelle cela dans le Coran. Allahu Jalla wa Ala. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Sourate numéro 6, verset 33. Nous savons combien leurs paroles t'affligent. Ce n'est pas vraiment toi qu'ils démentent ou traitent de menteurs, mais ce sont les signes d'Allah que les gens injustes refusent d'admettre. Autrement dit, le peuple de Quraysh, avant la révélation, comme après la révélation, savait pertinemment que le prophète, alayhi salatu wassalam, était véridique, qu'il ne mentait pas, car ils n'ont jamais connu en lui le mensonge, la tromperie, la trahison et toutes ces mauvaises qualités qui étaient monnaie courante à leur époque et parmi eux. Nous verrons la semaine prochaine, inshallah, tabaraka wa ta'ala, quelles furent l'annonce ou les annonces de la venue du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, dans les écritures et dans les livres révélés. Et par la suite, nous commencerons, inshallah tabaraka wa ta'ala, le début de la révélation. Nas'alullah jalla wa ala nuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa nas'aluhu jalla wa ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.